après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. C'est la chronique. En fin de semaine, ont lieu les championnats du monde de pétanque. On a parlé avec Yannick Lolé, qui est un membre de l'équipe canadienne. On a parlé également avec le vice-président de la Fédération internationale de pétanque. Et là, maintenant, on va parler avec l'instructeur-chef de l'équipe canadienne de pétanque, Alex Bandy. Bon après-midi, Alex. Oui, bonsoir, M. Billy. On est à 3 jours de l'événement, Alex. Comment que l'équipe canadienne se sent? L'équipe, je dirais qu'elle est nerveuse un peu. C'est sûr que c'est un grand événement dont tout le monde veut bien faire. Mais c'est une bonne nervosité. OK. Dites-moi, est-ce que vous avez eu à parler, est-ce que vous avez eu à voir et à préparer pour en fin de semaine l'équipe canadienne? Mais l'équipe en soi, ça fait déjà un peu plus d'un an qu'ils sont qualifiés. Okay. Alors déjà, il y a des entraînements individuels là, qui se font. Il y a une préparation mentale. Déjà, c'est des joueurs de haut niveau. Ensuite, durant la saison, on essaie de... Parce que c'est une équipe de cap, puis il y en a un, entre autres, il fait partie d'une autre équipe. Fait que des fois, quand l'occasion se présente, ben on essaie de les faire jouer ensemble là, autant que possible. C'est un peu ça, la préparation. OK. Dites-moi, est-ce que vous avez préparé en fin de semaine, vous avez fait un dernier tournoi, ça a sûrement servi à ça, hein? Pour finir le jeu et ainsi de suite. Il y a eu un tournoi en fin de semaine à Montréal. Okay. Contrairement à des biens, c'est en triplette. En fin de semaine dernier, c'était en doublette. Fait que là, ça a permis encore à ces joueurs-là de se renouer, de se continuer à se connaître. Et puis, ça a donné que pendant le tournoi, ils se sont rencontrés même en demi-finale, ces joueurs-là. OK. C'est intense. Ça fait quoi un entraîneur de pétanque? Moi, c'est un sport que je connais pas. C'est un sport que, écoutez, là, ça m'a pris des biens pour en parler. Je vous dis pas que je vais commencer à triper sa pétanque non plus, mais sauf que l'événement est plus gros que le sport. Un entraîneur de pétanque, ça fait quoi? Ben, un entraîneur, c'est pendant les parties, c'est de prendre note des jeux qui se font. Voir aussi qu'ils sont bien, qu'ils sont à l'aise dans leur tête, et surtout dans leur être à l'aise dans leur tête, puis qu'ils arrivent à performer parce que c'est sûr que c'est un jeu qui demande une très grande précision. Okay. Déjà quand on n'est pas bien dans la tête, on est quand même fragile, tout le monde est fragile un peu, dépendamment. Il faut que ça aille bien à la maison, faut que ça aille bien au travail, faut que ça aille bien partout pour être en tous nos moyens. Okay. C'est un peu ça, c'est de déceler si jamais un autre est blessé, il peut avoir une petite blessure, il peut avoir toutes sortes de raisons. Puis c'est à ce moment-là, c'est des triplettes, il y a toujours un quatrième joueur sur le banc. Puis s'il faut, ben, c'est de discuter en équipe. On a le droit à un changement par partie. S'il faut changer un joueur ou prendre un autre moyen là, pour essayer d'arriver à gagner une partie. Généralement, y a-t-il beaucoup de changements, généralement? Ça peut pas dire que ça arrive pas. C'est pas à chaque partie, donc. Okay. Y a des parties qui sont plus faciles que d'autres. Ça dépend aussi de l'adversaire aussi. Il y a beaucoup de pondérants. OK. Est-ce que vous savez au moment où on se parle contre qui vous allez jouer votre premier match? Non. ça va être un tirage au sort qui se fait, je crois, mercredi soir. Mercredi soir, OK. Donc, vous savez pas du tout. Je parlais avec Yannick Lollet qui, lui, vise un podium. Est-ce que vous trouvez que c'est exagéré ou il y a des bonnes chances? Moi, je pense qu'on a une bonne équipe, on est concurrents. Ça peut être possible, oui. OK. Vous, le fait que c'est à Desbiens, c'est un bon avantage. Les joueurs semblaient contents. Ils disaient que probablement qu'il allait, que ça allait faire la différence. Est-ce que vous êtes d'accord avec vos joueurs? C'est sûr que ça peut avantager. Contrairement à chaque fois que cet événement-là se présente, on a toujours un décalage horaire à vivre. Ensuite, dépendamment c'est où, la nourriture, des fois, c'est pas toujours à notre avantage. Tandis que là, on est chez nous. Fait que il n'y a pas d'excuse de ce côté-là. OK. Dites-moi, quel héritage va laisser le championnat du monde de pétanque sur le sport comme tel? On connaît pas ça du tout. Pensez-vous que ça va être positif? Est-ce que ça va aider au développement de votre sport? Parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes à la portée des Jeux olympiques. Il y a de bonnes chances qu'éventuellement la pétanque fasse son entrée aux Olympiques. Donc, est-ce que vous pensez que le fait de présenter les championnats, ça va aider? C'est sûr que ça peut aider. Si on arrive à décrocher une bonne position, ça va nous aider davantage aussi. OK. Ça ne peut pas nuire. OK. On va vous souhaiter la meilleure des chances. On va être là, on devrait être là en fin de semaine également. Bravo, puis je vous dis merci pour le championnat du monde de pétanque. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est Alex Bandy, l'instructeur de l'équipe canadienne de pétanque.